Quand l'inflation touche tous les produits du quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est commerçant pour soutenir votre pouvoir d'achat? Proposer des promos à nos clients fidèles? Ça n'aide pas tous les autres. Des offres pour tous sur quelques produits? On ne remplit pas un chariot avec juste quelques produits. Chez Hyper U et Super U, retrouvez 150 produits U du quotidien à prix coûtant. Le bénéfice est pour vous. 150 produits U disponibles et signalés en magasin dans les magasins Hyper U, Super U et sur courseU.com. Voir conditions sur magasin-U.com. Le prix coûtant constitue le seuil de revente à perte affecté d'un coefficient de 1,10 pour les produits alimentaires conformément à la loi Egalim. France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, l'affaire du corbeau de Tulle. En 1922, il y a donc environ un siècle, une affaire abondamment relayée par la presse nationale tient pendant des mois la France en haleine. Mais cela fait déjà 5 ans que la ville de Tulle, préfecture de la Corrèze, vit un authentique cauchemar. Une vague de lettres anonymes qui dénoncent les faits et gestes des uns et des autres a semé la peur et la suspicion, créant parmi les habitants une véritable paranoïa collective. Signées L'œil de tigre, ces lettres, à grand renfort d'injures et de détails pornographiques, prétendent révéler l'infidélité d'un époux ou d'une épouse, que l'enfant de l'un est en fait celui d'un autre, qu'un tel s'est suicidé ou qu'une telle s'est fait avorter. Comme grisé par un sentiment de toute puissance, l'œil de tigre a pris le pouvoir sur la ville. Moi, l'œil de tigre, je ne crains rien, ni Dieu, ni le diable, ni les hommes. Je vous raconterai cette troublante histoire ce soir à travers le regard du juge d'instruction chargé de l'affaire, le juge Richard, un homme vaniteux et un peu ridicule qui, on le verra, sera vite dépassé par les événements. France Inter, Stéphanie Duncan. Autant en emporte l'histoire. Jean-Yves Le Naour, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Van Kahn. Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale et l'auteur en 2006 d'un livre consacré à l'affaire du corbeau de Tulle. C'est vous qui avez écrit la fiction que je vais raconter dans quelques minutes. Alors quand on pense au corbeau, on pense tout de suite au film de Georges Clouzot, Le Corbeau, sorti en pleine occupation en 1943, qui raconte justement l'histoire d'une petite ville dont les habitants reçoivent des lettres anonymes diffamatoires. Mais la vraie histoire, celle donc qui a inspiré le film, était tombée dans l'oubli depuis longtemps et vous l'avez dénichée et vous lui avez redonné vie. C'est vrai que cette histoire, elle a été oubliée, ressuscitée par Clouzot, comme vous l'avez dit, et ensuite écrasée peut-être par Le Corbeau. Le Corbeau a été un tel succès, un tel chef-d'œuvre et peut-être aussi un tel scandale. Vous avez consacré une émission d'ailleurs à ce sujet, que cette histoire, elle avait été dissimulée. Et moi, je faisais ma thèse à l'Université de Toulouse à l'époque. J'étais enseignant à l'Université de Toulouse et ma thèse portait sur la sexualité en 14-18. Et vous savez, dans ces périodes de guerre, vous avez toujours des bons patriotes. C'est une période de guerre totale, donc de mobilisation totale, y compris des esprits. Et des bons patriotes qui vont écrire des lettres anonymes pour dénoncer un tel qui est embusqué ou révéler à un mari qui est sur le front qu'il est cocu et que sa femme le trompe, etc. Oui, parce qu'on parle souvent des lettres anonymes de la Seconde Guerre mondiale, celle qui notamment, terriblement, ont dénoncé des Juifs. Mais il y a eu aussi, pendant la Première Guerre mondiale, ce phénomène. Et donc l'affaire de Tulle s'inscrit dans ce contexte, puisqu'on est... L'affaire commence en 1917. C'est cela, elle commence en décembre 1917. Alors ce n'est pas tout à fait lié véritablement à la guerre, on va voir que tout se passe à l'intérieur de la préfecture de Corrèze et puis de Tulle et puis ça finit par déborder et puis par empuantir toute la ville, mais ça commence à l'intérieur de la préfecture. Mais ça a un sens finalement que ça commence pendant la Première Guerre mondiale parce que c'est une période de mobilisation totale où chacun doit être à sa place et les lettres anonymes effectivement fleurissent. Alors elles fleurissent surtout, vous l'avez dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans les régions occupées par les Allemands, qui en font un système de gouvernement. Oui, parce qu'il y a eu des régions occupées par, les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, dans le Nord. Nord on est très loin de Tulle, évidemment. Oui, et si vous dénoncez, des produits alimentaires qui sont cachés, etc., des poules qui ne sont pas recensées, etc., eh bien, vous touchez une partie du butin. Il y a un intéressement. Oui, c'est des périodes de troubles. On a vu d'ailleurs, pendant la crise du Covid, il y a eu aussi des lettres, cette pratique des lettres lettres anonymes qui a assez prospéré. Mes voisins reçoivent, ils font des fêtes. Ils n'ont pas de masque, voilà, on ne respecte pas le confinement, etc., etc. Bon, là, on en est loin, mais il y a un contexte aussi, disons, fait divers, on sort de l'affaire Landru. Oui, et la presse se retrouve un petit peu, sans rien très croustillant à se mettre sous la dent. Exactement. Quoi. Et là, l'affaire Landru, Tulle, le procès, c'est fin 21. Novembre 1921. Voilà, c'est le procès Landru, et justement, le problème de la presse, c'est que elle n'a plus grand chose de croustillant à se mettre sous la dent. Et ça tombe bien. Voilà. Au moment où cette affaire Landru, qui a tenu les Français en haleine pendant si longtemps, qui a permis de faire vendre du papier, eh bien, les faits diversiers découvrent une autre affaire en décembre 21, qui va fasciner les Français. Parce qu'il y a une grosse part de mystère, des lettres anonymes qui, comme ça, qui pleuvent depuis des années sur une ville. Et mais là, ça devient un phénomène national parce qu'on apprend qu'il y a un mort. Exactement, il y a un mort. Alors, du mystère, un mort. Là, effectivement, les faits diversiers de Paris débarquent à Tulle, le calepin à la main, et ils vont considérablement perturber la justice. Perturber la justice, mais oui, un juge qui n'est pas non plus très à la hauteur. Vous en avez fait le héros, si je puis dire, disons le personnage principal de cette histoire, celui qui dit « je », un personnage un peu ridicule. Eh bien, écoutez... Qui vous a amusé. Oui, mais je n'ai pas tant inventé que cela. J'imagine bien, vous êtes historien. Mais ça paraît complètement fou, cette séance d'hypnose dans le palais de justice. Là, je suis en train de dévoiler, de spoiler, comme on dit. Mais elle a réellement existé. Moi, j'ai pensé, quand j'ai écrit cet ouvrage, j'ai pensé énormément à l'affaire Grégory, avec le corbeau, et avec cette presse qui a instruit l'affaire et qui a considérablement gêné la justice, et avec ce juge, le petit juge Lambert, je crois, qui s'est pris les pieds dans cette affaire, lui aussi. C'était une affaire qui était trop grande pour lui. Jean-Yves Le Naour, on poursuit cette discussion, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, l'affaire du corbeau de Tulle, un texte de vous, Jean-Yves Le Naour, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. Laissez-moi vous dire que je vais faire la lumière là-dessus, ça ne traînera pas. Depuis qu'une information judiciaire est ouverte, en août 1921, on m'a apporté de tous côtés les lettres de cet affreux anonymographe, du moins celles qui ont été conservées. Et je puis vous dire qu'en croisant les informations de ces dizaines et dizaines de lettres, je me fais fort de trouver l'identité de ce plaisantin. On me donnera la Légion d'honneur, très certainement. De l'avancement, sans aucun doute. Je serai promu à la cour d'appel de Limoges. Que dis-je, Limoges ? Je serai appelé au ministère, oui. François Richard, garde des Sceaux. Et de là, qui sait ? Qui sait ? Vous n'avez jamais entendu parler de François Richard ? C'est bien normal. À 42 ans, en 1921, cet obscur petit juge d'un tribunal sans relief est installé à Tulle depuis 11 ans. Bien noté, bien considéré, il est proposé pour un avancement. Subitement placé dans la lumière avec cette affaire de lettres anonymes qui défraie la chronique, il se grise de son importance et parle un peu trop à la presse. Cela va lui coûter cher. Oui ? Monsieur le juge ? Oui, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez bien que je suis occupé. C'est que l'on vient de trouver une nouvelle lettre. Mais qui êtes-vous, juste ? Je suis Angèle Laval. Oui. Vous m'avez convoquée tout à l'heure pour une déposition. Ah, mais oui, ma pauvre petite. Si souvent calomniée. C'est gentil à vous de m'apporter une nouvelle pièce à conviction. Et où l'avez-vous trouvée ? Elle était sur un banc, à l'église. Oh, ce criminel ne respecte rien, pas même la religion. Oh, il va voir de quel bois je me chauffe. Merci, chère madame. Vous pouvez retourner dans la salle d'attente. Je suis à vous dans quelques minutes. Voyons voir. À l'attention du préfet. Bah tiens. Ta chienne d'épouse est passée maître dans son art à satisfaire les caprices des clients mâles de la manière la plus putassière qui soit. Oh, quel vocabulaire ! Tout le monde sait qu'elle aime se faire donner la fessée jusqu'à ce que sa rage de luxure atteigne son plus haut degré et qu'elle bascule comme une possédée dans les pires déchaînements de la chair. C'est grotesque! Si ta femme ne pouvait trouver d'homme, elle se contenterait d'un âne. Oh. Bon, je ne veux pas en savoir plus sur Madame l'épouse de notre préfet. Un homme tout à fait respectable que j'ai croisé hier au bordel, au bord de l'eau. Oui, je voulais dire au bord de l'eau. La rivière, quoi. Nous sommes au tribunal de Tulle. Depuis l'été 1921, la justice est saisie d'une étrange affaire qui pourtant a commencé 4 ans plus tôt. Mais jusque-là, personne n'a eu le courage de porter plainte. Particulièrement accablés de lettres anonymes, plusieurs fonctionnaires de la préfecture ont décidé cette fois d'en finir et ils ont apporté au juge Richard, en tout et pour tout, une centaine de lettres injurieuses. Le vocabulaire de l'anonyme n'est pas très riche. Ces insultes, toujours les mêmes, tournent autour de salope, putain, cornard, pourri, morue salée, peau de requin ou encore chienne fécale. Cela ne va pas très loin. En revanche, il semble être bien informé d'un certain nombre de secrets de famille, de ceux que l'on croyait enfouis très profondément. La grand-mère d'un tel a autrefois, je cite, « fait dégringoler un polichinelle de son tiroir ». Un oncle s'est suicidé. Un lointain cousin est mort au bagne. Et puis, il excelle à mêler le vrai, ses secrets de famille, et le faux, la révélation sur la conduite immorale des épouses et des maris. C'est là toute son habileté. La calomnie doit être crédible. Des histoires de coucherie, il n'y a que ça. Votre femme vous trompe, votre mari vous trompe, votre fiancé vous trompe, etc. etc. C'est lassant. Même moi, j'ai reçu un de ces fameux poulets. Ma femme me trompe. Je voudrais bien voir ça. Comment pourrait-elle trouver un homme plus modeste, mieux fait de sa personne et plus intelligent que moi? Allons, ma femme ne peut pas me tromper. Enfin, je crois. Oh, maudit sois-tu, anonymographe qui sème le soupçon. Allons, mettons-nous au travail. Oui? Bonjour, monsieur le juge. Ah, de Cizancourt. Cela fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Oh, tenez, je vous offre une petite liqueur de gentiane. C'est du bon. Du pays. Pour sûr, monsieur le juge. Cela fait une paix. La dernière fois, c'était au cours d'une séance de spiritisme, je crois. Oh oui, vous aviez fait tourner les tables et vous m'aviez mis en communication avec Victor Hugo. Oh, Cizancourt, quel médium vous êtes. Mais on m'a dit que vous étiez passé au journalisme. Tout à fait, monsieur le juge, j'ai intégré la rédaction du Matin. Je suis un peu le correspondant de tout le Sud-Ouest. Ah, je comprends pourquoi vous êtes ici. Mais je ne vous dévoilerai rien. Vous savez qu'un juge doit conserver le silence sur l'enquête en cours. Je sais. D'ailleurs, je ne vous demande rien. Ah, mon ami, je ne peux rien vous dire. Bien sûr, vous savez certainement que le coupable évolue dans le milieu des fonctionnaires de la préfecture. Oui. Toutes les lettres des premières années ne parlent que des agents de la préfecture. Ce n'est que plus tard qu'elles élargissent leur spectre. Si je puis dire. Donc cela réduit mon travail. C'est à la préfecture que se cache ce sinistre animal, c'est sûr et certain. Bien sûr. Mais comment procède-t-il? Il adresse sa lettre par la poste? Malheureux. Cela lui coûterait un bras et il risquerait d'être démasqué. Et alors? Il est bien plus malin que cela. Il abandonne ses missives un peu partout dans la ville. Sur le rebord d'une fenêtre, sur le banc d'une église. Il la glisse sous la vitrine d'un commerçant. Et puis, tenez, regardez ce qui est écrit sur l'enveloppe. Prière à monsieur... Oh, je préfère taire le nom. Monsieur X, de remettre cette lettre à madame Y. Oui, et cette lettre ne contient aucun racontard sur monsieur X ou madame Y, comme vous dites. Mais sur une dame Z ou un monsieur W. Mais pourquoi donc agir ainsi? C'est machiavélique, mon cher. Du grand art. Si vous recevez une lettre qui raconte des calomnies contre vous, vous êtes porté à la détruire, ou en tout cas à n'en point parler. Naturellement. En revanche, si vous aviez connaissance des frasques d'un tel ou d'une telle, vous auriez plus volontiers tendance à en parler autour de vous. Oh, quelle intelligence. Oui, je sais. Oh, non, non, non, je parlais de l'anonyme. Sachez qu'il est tombé sur une intelligence supérieure, c'est-à-dire moi-même. Excusez-moi, j'ai justement convoqué dans mon bureau une femme régulièrement insultée dans les lettres, une pauvre victime. Je suis certain qu'elle va m'aider à y voir plus clair. Je me retire, monsieur le juge. Oui ? Je ne vous ai rien dit, bien entendu. Ah. Rien du tout, monsieur le juge. Je suis une tombe, une tombe. Mon Dieu, quel crétin, ce juge d'instruction. Métallique avec un limier comme celui-là, l'anonyme a de beaux jours devant lui. Asseyez-vous, madame Laval, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vais vous poser quelques questions. C'est un moment pénible pour vous et j'ai conscience qu'il réveille en vous d'atroces douleurs. Mais vous comprenez que votre déposition est essentielle pour contribuer à l'arrestation de cet ignoble individu. Je comprends, monsieur le juge. Nous voulons tous que ce cauchemar s'arrête. Très bien, vous êtes courageuse. Nom, âge, profession. Angèle Laval, j'ai 35 ans, je suis sans profession. J'habite avec ma mère, rue de la Barrière à Tulle. Quand avez-vous reçu votre première lettre anonyme ? C'était pendant la guerre. Je travaillais à la préfecture. Les hommes étaient mobilisés, on avait besoin de secrétaires. J'étais placée dans le service de comptabilité sous la responsabilité de Jean-Baptiste Moury. C'était en décembre 1917. Oui ? Monsieur Moury. Qu'y a-t-il, mademoiselle Laval ? Je viens de recevoir une lettre non signée qui dit des méchancetés de vous. Enfin, de moi. De vous et de moi. Ah ! Vous aussi, vous en avez reçu une. Et que dit-elle, cette lettre, exactement ? Méfiez-vous de Monsieur Moury, c'est un ennemi. Il vous calomnie. Il dit que votre père est un mouchard. Il vous calomnie chez sa maîtresse. Angèle, voyons. Vous l'avez dit vous-même, ce ne sont que méchanceté et médisance. Et figurez-vous que moi aussi, j'ai reçu le même genre de billet. Tenez. N'épousez pas mademoiselle Laval qui a des intentions sur vous. C'est une sirène, une charmeuse qui vous rendra malheureux. Oh, mais c'est trop fort. Je suis une fille honnête. Je sais bien, mademoiselle. Bon, écoutez, la meilleure chose à faire est d'ignorer ces petits papiers. Voilà ce que j'en fais, moi, cette saloperie. Moi aussi, je la prune. Et voilà, nos ennuis sont terminés. Et malheureusement, ce n'était pas terminé. L'anonyme a d'ailleurs tendance à s'acharner sur vous. Il vous traite de Sainte-Nitouche, de pain beige, de... Ah non, c'est trop vilain, je ne prononcerai pas ce mot. Sachez, mademoiselle Laval, que vous avez toute ma compassion et tout mon soutien. Ah, un instant. J'ai oublié de vous demander... Avez-vous des soupçons sur quelqu'un en particulier ? Non, personne. Mais il me semble qu'il y a tout de même, au milieu des tas d'immondices, quelques compliments appuyés, toujours pour la même personne. C'est troublant. Oui. Et vous avez raison. Je l'avais remarqué, moi aussi. Rassurez-vous. Je réduirai bientôt ce sycophante à néant. Étrange, étrange. Entre deux bordées d'injures adressées à des tiers, il y a toujours un petit mot gentil pour une certaine Marie-Antoinette Filloux. À force, cela finit par mettre la puce à l'oreille. Mais oui, bon sang. Celui qui n'est pas calomnié ne peut être que le calomniateur. La calomniatrice, en l'occurrence. Oh, je m'étonne moi-même de mes capacités d'intuition. Justement, passons à notre seconde audition. Cette fameuse Marie-Antoinette Filloux qui cache bien son jeu. Entrez. Monsieur le juge, je... Asseyez-vous. Bien. Regardez. Toutes ces lettres anonymes parlent de vous. toujours en bien, naturellement. Comment expliquez-vous cela ? On veut me nuire, c'est clair. D'ailleurs, tout a commencé quand je me suis mise à fréquenter Jean-Baptiste Moury, à la préfecture où j'exerçais comme dactylo depuis 1914. Et puis, quand nous nous sommes fiancés, alors là, ça a été un déchaînement. Tout le monde a reçu du courrier, du concierge jusqu'au préfet. Oui, enfin, vous admettrez que ces courriers sont particuliers. J'en cite quelques passages. Ah. Pour l'honneur de la préfecture, pour le bon ordre, il faut que ce mariage se fasse. Ou encore, mariez-vous, monsieur Moury, je le veux, sinon il vous arrivera malheur. Visiblement, l'anonyme tenait beaucoup à ce mariage, vous ne trouvez pas ? S'il y tenait tant que cela, pourquoi n'a-t-il pas cessé quand je me suis mariée avec monsieur Moury en mars 1920 ? Je n'en pouvais plus. Ça ne finira jamais, Jean-Baptiste. J'ai démissionné après notre mariage et tu vois que ça continue. Et tous tes collègues pensent que c'est moi. Allons, ne te rends pas malade. C'est mauvais pour l'enfant que tu portes. Mais les commerçants me regardent avec mépris. Dans la rue, j'entends des insultes. Même toi, parfois, je vois bien que tu me soupçonnes. Marie-Antoinette, je ne te permets pas. Tu sais, je suis allée voir le préfet et je lui ai demandé ma mutation. Et alors ? Il m'en a dissuadé. Ce départ serait interprété comme un aveu de culpabilité. Et puis, la campagne infecte pourrait très bien se poursuivre dans ma nouvelle affectation. Non, ce qu'il faut, c'est être patient. Tu verras, l'anonyme commettra une erreur un jour, et là, la vérité triomphera. Allons, tout vous accuse, et vous osez vous dire victime. Ne seriez-vous pas plutôt la coupable ? Moi ? Oh, c'est trop injuste, monsieur le juge. Et puis j'ai une preuve. Et quelle est-elle ? Du 6 au 18 janvier 1921, j'étais en couche à la maternité de Tulle. Or, pendant ce temps, le préfet a reçu une lettre qu'il a déchirée devant témoin. Peut-être. Mais s'il l'a déchirée, je ne peux donc pas vérifier la date. Il va falloir trouver autre chose, madame. Jean-Baptiste Moury avait raison d'attendre que l'anonyme commette une erreur. Le 21 novembre 1921, l'empoisonneur épistolaire a rédigé la lettre de trop. Elle a été glissée sous la devanture d'une boutique. Cette lettre exige que Jean Laval, le frère d'Angèle, et qui travaille à la préfecture comme chef de bureau, retire la plainte contre X qu'il a déposée contre l'anonyme. Curieusement, c'est Angèle qui avertit son frère non seulement de l'existence de cette lettre, mais aussi de son contenu. Sans plus attendre, Jean Laval se précipite au palais de justice pour en faire part au juge François Richard. Mais quand le juge convoque la commerçante qui a reçu la lettre, celle-ci nie en avoir parlé à qui que ce soit. Elle l'a conservée sans la montrer à personne. Mais alors, comment Angèle Laval pouvait-elle savoir ce qu'elle contenait ? Oui, c'est vraiment étrange. Suspect même. Bon sang de bonsoir, ce n'est peut-être pas la petite fille ou... Je me serais trompé. Tout l'accuse. Mais c'est peut-être trop simple. Nom d'une pipe. La question est plutôt de savoir qui veut la faire accuser. Ah, monsieur Moury, je suis bien content de vous voir. J'ai reçu votre femme hier. Et vous l'avez traitée de façon inqualifiable. Je ne fais que mon métier. Écoutez-moi. J'ai des choses à vous dire sur le comportement d'Angèle Laval. Elle m'a fait vivre un véritable enfer. Et Jean-Baptiste Moury raconte son calvaire quand Angèle Laval travaillait à la préfecture et qu'elle le harcelait. Elle trouvait sans cesse un prétexte pour entrer dans son bureau et entamer la conversation. Parfois, elle attendait la sortie du personnel pour se retrouver en tête-à-tête avec l'objet de son désir. Un jour, par jeu, elle demanda à Moury de tâter ses mollets pour en vérifier la fermeté. Par lâcheté et pour ne pas avoir d'ennui avec son frère Jean, lui-même chef de bureau à la préfecture, Moury a enduré ce petit manège jusqu'au jour où il a fini par exploser et par lui demander de quitter le service de comptabilité. Mais quelques jours plus tard, Angèle lui tendait un véritable piège. C'était au printemps 1919. Monsieur Moury ? Oui ? Mon frère vous attendra à l'heure du déjeuner dans son bureau pour régler une affaire urgente. Disons 12h30. Ah. Bon, j'y serai. Très bien. bien beau ces réunions à l'heure du déjeuner, mais j'aurais plus le temps de manger, moi, avec ça. Oh là là. Qu'est-ce qui lui a pris de fixer une heure pareille? En plus, la préfecture est déserte à cette heure-là, c'est sinistre. Bonjour, monsieur Laval, vous vouliez me... Angèle? Mais votre frère n'est pas là? Jean-Baptiste. Viens t'asseoir à côté de moi. Allez, ne fais pas ton timide. Viens, montre-moi ta virilité. Regarde comme je suis gentille. Mais enfin, mademoiselle Laval... Mais pourquoi vous déshabillez-vous? Voyons, mademoiselle Laval, arrêtez. Arrêtez. Caresse-moi, mon grand. Regarde mes seins. Vas-y. Touche-les. Prends-les. Tripote-moi. Vas-y, mon grand, c'est à toi. Vas-y. Culbute-moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Votre comportement est scandaleux. Vous n'avez rien à attendre de moi. Non, ne t'en va pas. Fais de moi ta maîtresse. Je ne dirai rien à personne. Je ne veux pas de vous comme épouse. Je ne veux pas de vous comme maîtresse. Ne cherchez plus à vous approcher de moi. Je crois qu'elle a mal digéré d'avoir été évincée. Mon pauvre monsieur, il n'y a pas pire démon qu'une femme blessée. Alors, quand j'ai commencé à fréquenter Marie-Antoinette, je pense que sa frustration, sa rage, n'ont plus de limite. Elle a tout fait pour briser notre relation. Oh, monsieur Maury. Et puis un jour, c'était en septembre 1919, elles se sont croisées toutes deux dans le couloir. Et ça s'est mal passé. Angèle, c'est toi qui racontes des horreurs, hein? Vous, gourgandine! Sale peste, lâche-moi, il ne m'adresse pas la parole. Vierge folle, tu mérites le cabanon. Ah, celle-là, tu ne l'as pas volée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet a licencié Angèle Laval, qui était contractuelle, tandis que Marie-Antoinette, qui était fonctionnaire, a conservé son poste. Une raison de lui en vouloir encore plus. Vous vous rendez compte? Débarquer comme une malpropre. Une sombre histoire de jalousie, de déception amoureuse, d'orgueil blessé, au fond rien que de très banal. Mais alors que le juge poursuit ses investigations, voilà qu'un greffier de la préfecture, Auguste Gibert, tombe malade. De nature impressionnable, il a mal supporté de voir son nom et celui de sa femme mêlés à cette histoire de lettres anonymes. Il tombe dans la dépression, la paranoïa. Quand une dernière lettre est trouvée le 24 novembre 1921, portant la signature de sa femme, il perd la raison, pense qu'on va le jeter en prison et veut échapper au déshonneur en mettant fin à ses jours. Il faut l'interner. Le 24 décembre, il décède brutalement. Sans doute a-t-il réussi à se suicider. Le jour des obsèques, tous ses collègues de la préfecture sont là. Et l'affreux anonymographe est peut-être parmi eux. Tout le monde le sait. Celui dont nous venons saluer ici les restes mortels ne nous fut pas ravi par la maladie, mais par l'arme la plus empoisonnée qui soit, et de la façon la plus sournoise et la plus odieuse. Ce ne sont pas des paroles de colère que je veux faire entendre sur cette tombe, mais des paroles de justice. Car la justice s'abattra, soyez-en sûrs, sur ces criminels, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Car ils ont tenté de déshonorer en conscience une administration honnête et une ville justement réputée pour la bienveillance de ses habitants. Madame, avec mes condoléances, je vous dis toute ma détermination à arrêter le ou les salauds qui ont conduit votre mari à la mort. Merci. Ou alors, je ne m'appelle plus François Richard. Mes respects, madame. Comment vais-je faire pour confondre cette Angèle Laval? Car c'est elle, bien sûr. Mais tant qu'il n'y aura pas de flagrant délit... Monsieur le juge! Monsieur le juge! Monsieur le juge! Ah, Cizancourt. Vous étiez là, vous aussi. Remarquez, c'est votre travail de journaliste. À ce propos, je ne vous félicite pas, vous et vos amis. Comment cela? Vous avez lu les titres de la grande presse ? Le drame de Tulle, l'émoi à Tulle, le scandale de Tulle, la tarentule. Tenez, j'ai acheté l'Écho de Paris et l'œuvre ce matin. Lisez. Tulle est une ville étouffante, enserrée étroitement dans ses collines. Les rues sont des cloaques où l'on s'embourbe jusqu'à la cheville. À respirer la tristesse de cette petite ville écrasée par la montagne, on comprend mieux cette affaire de l'être anonyme. C'est pas très sympathique, en effet. Non. Mais moi, au contraire, monsieur le juge, j'ai écrit que notre ville est sous les feux d'une popularité soudaine dont elle se serait bien passée. J'ai même rendu hommage à votre sagacité à faire rapidement toute la lumière. Oh, merci, Cizancourt. Vous êtes un véritable ami. Montez, je redescends. Ah. Au palais, veux-je dire. Vous êtes bien aimable. Alors que la voiture arrive devant le palais de justice, une foule bruyante de reporters et de correspondants de presse assaille le juge pour lui poser des questions. Messieurs, du calme, je ne peux rien vous dire, vous le savez. Du moins, je peux vous annoncer que nous sommes sur le point de résoudre cette énigme. Mais quelles peuvent être les motivations de cet infâme ? Certainement la jalousie ou la vengeance. Ajoutez à cela, si vous voulez, la maladie. Ma première impression, je ne vous le cache pas, a été celle de tout le monde. J'ai changé maintenant. Il est vrai que dans les lettres, tout devait permettre de soupçonner une personne que l'opinion désignait faussement. Heureusement, je ne suis pas tombé dans le piège qui m'était tendu. Votre sentiment, alors, sur l'identité du coupable ? Il faut chercher, parmi ceux ou celles qui avaient un intérêt quelconque à faire porter la responsabilité des lettres anonymes sur cette personne. Messieurs, je dois vous laisser, le devoir m'appelle. Monsieur le juge, j'ai encore une question. Excusez-moi. Pardon ? Six encore, venez. Monsieur le juge. Pardon, messieurs. Quelle habileté, n'est-ce pas ? Je leur ai parlé sans rien leur dire. Assurément, assurément, monsieur le juge, vous êtes vraiment doué. Mais si j'osais, monsieur le juge, avez-vous pensé à quelques expériences qui nous mettraient sur le chemin de la vérité ? Une expertise graphologique ? Bien évidemment. J'ai contacté le docteur Locard, directeur du laboratoire de la police scientifique de Lyon et spécialiste en écriture. Avec lui, la vérité va nous apparaître comme le nez au milieu du visage et ce sera scientifique. Il arrive à Tulle dans quelques jours. Ce n'est pas ce genre d'expertise que je pensais, monsieur le juge, mais à quelque chose, disons, de plus officieux, de plus spirituel, le verdict des forces de l'esprit. Comment cela ? Vous voulez dire que vous pourriez... Oui, je le peux. Vous croyez que les forces métapsychiques... Je connais un médium d'une puissance exceptionnelle, monsieur le juge. Il est au service de la justice, si vous le désirez. Vous me tentez, Cizancourt. Monsieur le juge. Mais il faudrait être discret, alors. Que ça ne s'ébruite pas. Ce sera juste pour nous éclairer. Et en aucun cas une preuve reconnue comme telle en justice. Évidemment, monsieur le juge, évidemment. Évidemment. Cela peut paraître un peu gros, énorme même. Pourtant, cette histoire est rigoureusement exacte. Le 8 janvier 1922, une sorte d'hypnotiseur est introduit dans le palais de justice de Tulle, où le juge Richard a convoqué Angèle Laval et Marie-Antoinette Filloux. Il se livre à quelques passes magnétiques, quelques ondes psychiques, quelques regards télépathiques et autres trucs charlataniques, mais rien ne se passe. La femme de Jean-Baptiste Moury n'arrive pas même à s'endormir et Angèle Laval s'endort, mais se met aussitôt à crier. Au secours ! Réveillez-moi ! Au secours ! Tout va bien ? Ce n'est rien, tout va bien. Nous faisons une expérience. Le juge Richard paiera très cher sa passion pour le spiritisme. Plus largement, il paiera encore plus cher sa proximité avec les journalistes, notamment de Cizancourt. Le 9 janvier 1922, en effet, paraît un article assassin à la une du matin, intitulé « Une séance d'hypnotisme dans le cabinet du juge d'instruction de Tulle ». Oh, le coquin ! Il m'a joué. Il a ruiné ma carrière et ma réputation. Je suis la risée de Tulle. Mon Dieu ! Quelle honte. Et ce n'est pas tout. Le ministre de la Justice exige des explications. Le procureur convoque le juge et lui passe un savon. Le 27 janvier 1922, un sénateur interpelle le garde des Sceaux sur cette scandaleuse affaire d'hypnotisme. Le ministre promet que le petit juge aux méthodes si peu conventionnelles sera sanctionné. Deux jours plus tard, à Tulle, on retrouve une lettre dans un pot de fleurs. C'est l'anonyme qui triomphe. Richard est dégommé, je suis heureux. Je vous en prie, installez-vous. Je vous remercie. Permettez-moi de me présenter, Edmond Locard, professeur de médecine légale et chef du laboratoire de la police scientifique de Lyon. D'ailleurs, je suis le fondateur de la police scientifique. Je suis un peu le patron de la criminalistique. Je vous préviens, je veux bien identifier votre anonymographe, mais ce ne sera pas gratuit. On ne fait pas déplacer Locard gratuitement, ce sera 2000 francs pour une expertise. 2000 francs ? Comme vous y allez, l'administration judiciaire n'est pas riche, vous savez. Dans ce cas, vous voudrez bien m'excuser, j'ai du travail. Bon, c'est bon. Vous les aurez, vos 2000 francs. Je suis bien obligé de céder. Ils me font un succès, et vite, avant que ne tombe la sanction du ministre. Et comment allez-vous vous y prendre pour réaliser votre expertise graphologique ? Graphologique ? Vous me prenez pour un crétin qui examine une écriture à la loupe ? Sachez que j'ai inventé la graphométrie, moi. Une science qui mesure l'écartement des lettres, la hauteur des jambages, des P, des F, le diamètre des boucles, des L, des G, des D, et qui restitue tout sur un graphique. Et quand deux graphiques se superposent totalement, c'est que l'on a affaire à la même personne, CQFD. Mais ne peut-on pas dissimuler son écriture ? On peut s'y efforcer, mais cela ne dure que quelques minutes, après quoi le naturel revient au galop. Et c'est pourquoi mes dictées sont longues et je ne tiens jamais compte des premières phrases. Dites-moi, pourquoi m'avez-vous fait venir ? Écoutez, voici le cas de Mademoiselle Laval. J'ai des éléments contre elle, mais pas assez pour l'inculper. Je propose que nous la convoquions. 8 personnes sont convoquées au palais de justice le 16 janvier 1922. Et c'est bien sur Angèle Laval que porte toute l'expertise, ou plutôt l'acharnement du docteur Locard. Alors que les 7 autres ne restent que quelques minutes dans le bureau du juge, le temps d'écrire 2 ou 3 phrases, Angèle Laval s'y éternise près d'une heure et demie. Elle est revenue sur chaque lettre, retouchant, modifiant, surchargeant chaque caractère. Sous mes yeux, elle a créé un nouveau style graphique, tout à fait différent de celui de l'anonyme, qu'elle a perfectionné toute la matinée. Alors, au bout d'1h30, et voyant qu'elle ne lâchait pas prise, je l'ai reconvoquée pour une nouvelle séance de dictée l'après-midi. Et là, dans l'épuisement, elle s'est mise à écrire comme l'anonyme. C'est ainsi que j'ai démasqué l'anonymographe. Graphologie ou graphométrie ne sont cependant pas des preuves. Et quant au rôle du docteur Locard dans l'élucidation de cette histoire, il y a de quoi sourire. Marie-Antoinette Filloux n'a écrit que 2 ou 3 lignes, contre 5 pages pour Angèle Laval. Celle-ci était naturellement dans l'œil de la justice, qui cherchait des éléments pour pouvoir l'arrêter. Toutefois, il est trop tard pour le juge Richard, qui est dessaisi de l'instruction le 27 janvier. Et le nouveau juge, le temps de prendre connaissance du dossier, hésite à agir. Un cafouillage qui va coûter cher. Parce qu'Angèle Laval craque. Toute son entreprise machiavélique est en train de s'effondrer. Ils m'ont destitué. Mais j'ai appris qu'une nouvelle lettre a été trouvée. Dans un corridor de la rue Noé. Forcément un coup d'Angèle Laval. Jean-Baptiste Moury restera à Tulle, aimé et honoré. Sa jeune femme sera considérée, Angèle sera emprisonnée, sa mère mise à l'index. Voilà le résultat où je voulais arriver. J'avais annoncé qu'Angèle Laval pleurerait des larmes de sang, je n'ai point menti. Elle mourra folle, méprisée de tous. Dieu, comme la vie est drôle. Madame Moury est victorieuse, Angèle est terrassée. Dent pour dent, œil pour œil, voilà la loi du talion. Le 11 mars 1922, alors que le rapport Locard est rendu public et que l'on murmure qu'Angèle Laval va être arrêtée sous peu, celle-ci perd la tête. Avec sa mère, elle se rend près d'un étang et tente de se suicider. Un suicide réussi pour la mère, à qui Angèle a lié les mains et les pieds avant de la jeter à l'eau. Mais un suicide raté pour Angèle, que des bûcherons trouvent en train de crier et de pleurer à 2 mètres du bord. Cet acte désespéré achève de signer la culpabilité d'Angèle Laval, qui est internée en avril, puis jugée en décembre 1922 pour le simple délit d'injure publique. Elle sera condamnée à 1 mois de prison et 200 francs d'amende. Somme toute, peu de choses pour une affaire qui a causé la mort de 2 personnes et soulevé la peur et l'indignation à Tulle pendant 4 ans. Eh bien, j'avais raison. Oh, si je n'avais pas été relevé de façon odieusement arbitraire, je me serais couvert de gloire. Enfin, mon nom entrera tout de même dans l'histoire. Vous vous trompez. Oh non, voilà la cinglée. C'est moi, Angèle Laval, qui entrerai dans l'histoire. Oh, je sais bien ce que vous pensez de moi, vous qui m'écoutez. Je suis une vieille fille dérangée par ces pulsions sexuelles inassouvies, comme disent les médecins qui m'ont examinée. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de pouvoir choisir ma vie. Personne ne m'a demandé en mariage. Et je vivais avec ma mère, dans un petit appartement avec, pour toute oraison, l'église, au bout de la rue. Et un quartier où tout le monde se connaissait, s'observait et s'épiait. Vous n'auriez pas eu envie de dynamiter tout cela. Et pour quelques semaines, un mois, un an, vivre enfin, même en faisant peur aux autres. L'affaire du corbeau de Tulle de Jean-Yves Le Naour avec le juge Richard Olivier Balazuc, Angèle Laval Jennifer Testard, de Cizancourt Antoine Sastre, Jean-Baptiste Moury Julien Compagny, Marie-Antoinette Fiou Clémentine Verdier, Edmond Locard Vincent Nemette, les deux journalistes Emmanuel Ménard et Théo Touvet. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Éric Boisset et Éric Villenfin, assistante à la réalisation Laure Chastan. Réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Je reprends dans quelques minutes la discussion sur l'affaire du corbeau de Tulle avec mon invité Jean-Yves Naour. Moments Far Apart sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par David de Prince, assisté de Frédéric Martin. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Benjamin Troncin. Jean-Yves Naour, quelle histoire! Nous avons quitté Angèle Laval dans un soliloque, écrit bien sûr par vous, où elle interpelle l'auditeur. Vous, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous n'auriez pas fait comme moi? Dynamiter tout ça, vivre enfin, même en faisant peur aux autres. Pour vous, Jean-Yves Naour, écrire des lettres anonymes a été pour cette femme une manière enfin d'exister, vous croyez? Ah, j'en suis persuadé. C'est peut-être les seules années où elle a vraiment vécu. Tout le reste, elle a vécu avec sa mère dans son petit appartement, dans son petit quartier, de sa petite ville. Il faut imaginer qu'elle est restée ensuite. Alors sa mère, mère n'était plus là puisque elle s'était suicidée. Elle l'a poussée au suicide. Ouais. Du moins, oui, voilà, elle a sans doute une grosse responsabilité puisqu'elle lui a quand même lié les mains, lié les pieds. Hein. Par contre, elle n'a pas réussi à se suicider, donc c'est quand même un peu étrange tout cela. Enfin, et elle a vécu, elle est restée à Tulle. Donc, mais comment expliquer ce geste, enfin cette folie de lettres anonymes pendant 4 ans? C'est une femme qui est dérangée mentalement, forcément. Je pense que Freud l'aurait étudié avec plaisir, parce que c'est un exemple, un cas clinique de refoulement de la sexualité. À l'époque, on dit hystérique. Oui, c'est un terme complètement qui est utilisé à l'époque, mais qui n'a aucune, ça n'a aucune valeur scientifique. Ça vient du, mais vous voyez, hystérique, ça vient d'utérus. Ouais. Seules les femmes sont hystériques. Et en réalité, la guerre de 14 va montrer qu'en fait, les hommes aussi, face à la guerre, ils vont éprouver tout un tas de maladies mentales, d'affections psychiques. Mais ce qu'on veut dire par là, à l'époque, c'est que c'est l'archétype de la vieille fille hystérique. Alors, oui, une femme célibataire est forcément malheureuse et méchante. Et voilà. Et pourquoi ça vient de l'utérus? C'est parce que la fonction sociale des femmes est d'enfanter. C'est leur rôle. Et donc, à partir du moment où vous ne faites pas d'enfant, eh bien, fatalement, vous allez développer des affections morbides. Alors, mentales ou physiques, mais la nature va se venger parce que vous l'avez défiée en quelque sorte. Vous n'avez pas fait d'enfant. Et donc, voilà, elle est cette vieille fille dévorée par la jalousie, la rancœur. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, à l'époque. Hein, c'est ce que la presse, même nationale, écrit. Oui. Oui. Alors, la vérité, c'est une amoureuse qui a été frustrée. Elle est atteinte d'un véritable désir qui devient pathologique pour le Jean-Baptiste Maury. Jean-Baptiste Maury, qui était le chef de la comptabilité où elle travaillait. Ces années où elle travaille. Vous voyez, on parle d'une humiliation sexuelle parce qu'elle s'offre. Elle s'offre complètement à lui. Et il la refuse. Et il la refuse. Quelle humiliation. Il y a aussi l'humiliation, le fait qu'elle ait été licenciée. Eh bien, voilà. Il y a l'humiliation, si vous voulez, de ces pulsions réfrénées, ce refoulement de la sexualité, parce que c'est une dévote, une bigote. Et en même temps, vous voyez, voilà, elle est travaillée par la sexualité. C'est pour ça que je dis, Freud ça aurait été un cas magnifique. Et il y a cette humiliation sociale dont vous parlez, parce qu'elle était douée à l'école. Oui, et elle avait le certificat d'études, ce qui à l'époque n'était pas donné à brevet, tout le monde. Ouais, le brevet élémentaire. Et effectivement, elle n'a jamais travaillé en dehors de ces quelques années où elle est entrée à la préfecture, parce qu'on avait besoin, il y avait des mobilisés, les hommes étaient à la guerre. Et son frère, Jean Laval, travaillait. Oui. Était chef de bureau, on l'avait fait rentrer. Et vous voyez, elle a un certain niveau. Elle pense d'ailleurs qu'elle est plus intelligente que d'autres, peut-être. Bon, hein, elle a une grosse prétention. Elle est un petit peu à cheval entre deux siècles. C'est un petit peu le 19e siècle où la femme ne doit pas travailler, doit tenir salon, se marier, faire des enfants. Et puis le 20e siècle où finalement ils n'y arrivent plus tellement bien. Et donc il faudrait travailler pour gagner un peu d'argent et vivre sa vie. Et elle est un petit peu à cheval. Et finalement, elle n'a jamais pu vivre sa vie, cette pauvre Angèle. Moi, j'ai beaucoup de pitié finalement pour elle. Oui, elle a fait beaucoup de mal aussi tout de même. Hein. Il y a eu deux morts dans cette affaire. Et vous dites qu'elle n'a... Vous parlez de son intelligence, mais quand même, ses lettres révèlent un esprit donc torturé, malveillant, etc., mais aussi une certaine intelligence. C'est extrêmement machiavélique, tout ce qu'elle met en place. Oui. Elle arrive à écrire des lettres qui sont contre elle-même pour qu'on puisse penser que c'est quelqu'un d'autre. Et il y a une sorte de toute puissance qu'elle essaie de créer un pouvoir, comme ça, sur les autres. C'est une espèce de jouissance. Vous avez le mot. Regardez, toute puissance. Il y a cette phrase où elle dit... Tremblez, je suis le Lucifer de Tulle. Ouais. Là, pour quelqu'un qui est insignifiant, qui n'existe pas. Et en même temps, il y a une dimension. Enfin, je suis ni homme ni femme presque. Elle veut brouiller aussi les cartes. Oui. Brouillée, mais comme vous dites, elle s'est accusée parfois, parce qu'il y a des fausses lettres d'accusation où un tel s'accuse d'être et un autre et un autre et un autre, et il y a une lettre où Angèle Laval s'accuse elle-même d'être l'auteur des lettres anonymes. Ouais. C'est quand même c'est très tordu. Pervers, tordu. Ouais, hein. Ouais. Quel a été le rôle de la presse dans cette affaire? Parce que jusqu'en 1921, l'affaire n'intéresse que les tullistes, hein, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Tulle. Mais à partir de 1921, c'est la presse nationale qui s'y intéresse et c'est pas toujours dans le bon sens. Non, c'est pas toujours dans le bon sens, parce que d'abord elle arrive, elle débarque à Tulle avec beaucoup de mépris. Oui, parce que c'est la province. C'est la province, c'est une petite ville entourée, écrasée par ses collines, avec des petites gens. Il y a des mots assez sévères pour les tullistes, ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment apprécié toute cette histoire. Et puis, il y a une confrontation avec le pas avec le juge, mais entre la presse et la justice, c'est un duo qui marche pas toujours très bien. En introduction, on parlait du corbeau de l'affaire de Grégory, où là vraiment la justice et la presse se sont complètement parasités, ça a été une catastrophe. Eh bien, c'est la même chose à Tulle. La presse parle de droit à l'information et la justice de secret de l'instruction. Et donc, évidemment, il y a une confrontation entre les deux logiques. Et le problème, c'est que le petit juge Richard, eh bien, il s'est laissé... vous imaginez, il était à la tête d'un palais de justice où il se passait pas grand-chose. En tout cas, là, il se retrouve sous les feux de l'actualité et il perd un petit peu les pédales. Il va faire des confidences. Vous voyez, ce dossier en cours, il existe vraiment. Il était le secrétaire du préfet auparavant. Il est rentré dans la rédaction du matin et il lui fait des confidences. Et en échange, de Cizancourt fait des articles où il vante les qualités du juge. Mais à la fin, il lui réserve un tour de cochon. Autre personnage intéressant dans cette histoire, c'est Edmond Locard, le fameux expert en graphologie. Je vous propose de l'écouter, interviewé en 1955 par Léon Zitrone. Et oui, Léon Zitrone, qui il vante ses propres qualités d'expert, est-ce lettre anonyme. J'ai fait, à la date de ce matin, 10 742 expertises de lettres anonymes. 10 742 Exactement. Expertises. Eh bien, ça constitue, somme toute, une sérieuse documentation. Or, je crois que pour l'expertise des écritures, l'essentiel, c'est d'avoir du bon sens, bien entendu, mais c'est surtout l'expérience, parce que c'est un art infiniment difficile et délicat, et que d'autre part, l'expert en écriture, trop longtemps, a été le bouffon du procès pénal, a été celui sur lequel les avocats se lancent le sabre en avant, et avec vraiment trop de facilité et trop de raison. Mais il faut distinguer avec soin deux choses dans l'expertise des documents écrits. C'est d'une part les faux physiques, c'est-à-dire les grattages, les lavages et les altérations, le gommage par exemple, et d'autre part l'imitation de l'écriture. Edmond Locard en 1955, donc un personnage très satisfait de lui-même. Ah ça, il a écrit quantité d'ouvrages où il se vante. J'ai toujours tout découvert, c'est moi qui ai découvert Angèle Laval, c'est moi qui l'ai identifié, mais en fait... C'est plus compliqué. Plus compliqué, il s'est souvent planté aussi, il le dit pas. Donc en décembre 1922, il y a le procès d'Angèle Laval. Les médecins psychiatres la déclarent responsable pénalement, ce qui est assez surprenant. Et le verdict, qui est très clément, il y a quand même eu deux morts dans cette histoire. Et elle ne sera donc condamnée qu'à un mois de prison et 200 francs d'amende. Eh oui, parce que on n'a pas retenu l'homicide. Sa mère, on a considéré que c'était un suicide. Et Auguste Gibert, c'était un suicide aussi. Donc, homicide en quelque sorte involontaire. Donc, elle n'est poursuivie que pour diffamation et injures publiques. Et encore, si elle avait posté toutes ses lettres, ça aurait été juste des injures privées. Et donc, elle aurait eu quelques dizaines de francs d'amende seulement. Incroyable de voir toute une ville comme ça, en puantie, pendant des mois, des années. Beaucoup d'habitants de Tulle ont espéré pour elle le pilori. Il y a des déclarations comme quoi il fallait la fouetter. Enfin, c'était terrible. Elle a quand même eu quelques mois d'internement. C'était plus peut-être pour la protéger parce qu'elle était devenue suicidaire, effectivement. Et d'où vient l'expression « corbeau » ? Alors là, c'est une histoire très intéressante parce que c'est lié à l'affaire de Tulle complètement. En décembre 1922, quand a lieu le procès d'Angèle Laval, elle arrive au tribunal en grand voile de deuil de sa mère. Elle est toute en noir et la presse dit « voilà un oiseau funèbre, un corbeau ». Et le mot n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, le scénariste du corbeau, eh bien, le futur scénariste du film de Clouseau, qui sortira en 1943, reprendra donc ce mot pour donner ce titre au film. Voilà la filiation. Merci beaucoup Jean-Yves Le Naour. De vous, on peut lire sur cette affaire Le Corbeau, histoire vraie d'une rumeur qui a été publiée chez Hachette Littérature en 2006. Et vous êtes l'auteur plus récemment de 1922-1929, Les années folles, point d'interrogation, édité chez Perrin en 2021. Et bien sûr, à lire l'indémodable série consacrée aux 5 années de la Première Guerre mondiale, publiée également chez Perrin. C'est la fin d'Autant n'importe l'histoire pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission ou la podcaster sur le site radiofrance.fr. Vos commentaires sont attendus avec impatience, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous partirons au XVIIIe siècle, en avril 1789, sur les pas de Pierre-François Lepoutre, paysan et député du tiers-état, qui se rend en carriole à Versailles pour participer aux états généraux. Il ne peut alors imaginer qu'une révolution va commencer et qu'il participera à la fin de l'Ancien Régime et à l'avènement d'un monde nouveau. 1789, Pierre-François Lepoutre, paysan et député du tiers-État, c'est samedi prochain dans Autant n'emporte l'histoire sur France Inter.